Ah, je vois. Vous ne voulez pas prendre l'argent de votre père, mais vous n'avez rien contre celui de vos grands-parents. Mais dites-moi, c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris. Non, pas encore. Mais j'ai une lettre pour des gens qui habitent Cape Grenelle. Je compte aller les voir demain. Cape Grenelle dans une auto? Tour Totem, 59 Cape Grenelle, Madame Jacques Courtois. C'est une amie d'enfance de ma mère. Madame Courtois? Mais ça c'est formidable! Quelle coïncidence! Vous la connaissez? Bah, si je la connais, mais bien sûr que je la connais. C'est ma marraine. C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. Madame, votre mère est médecin? Non, madame ma mère, comme je dis, n'est pas médecin. Elle est chef de service au ministère de la Santé. Mon grand-père était chirurgien. Et mon père est chirurgien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et moi, je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté samedi matin. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Comme dit ma tante Georgette. Mais dites-moi, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris. Vous ne devez connaître personne. Personne. Vous ne devez connaître personne. Vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois que vous venez, vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois, si c'est la première fois, si c'est la première fois que vous venez, si c'est la première fois que vous venez, vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois que vous venez ici, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne. Si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne. Non, pas encore. Mais j'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle. J'ai une lettre, une lettre. J'ai une lettre pour des gens, qui habitent quai de Grenelle, quai de Grenelle. J'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle, qui habitent quai de Grenelle. J'ai une lettre pour des gens qui habitent quai de Grenelle. Où habitent les gens que Robert doit aller voir? Quai de Grenelle. Madame Courtois? Ah, mais c'est formidable! Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Vous la connaissez? Oui, c'est ma marraine! Ma marraine! Ma marraine! C'est ma marraine! C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. C'était la meilleure amie de ma mère. La meilleure amie. La meilleure amie de ma mère. La meilleure amie de ma mère. C'était la meilleure amie de ma mère. Quand elle faisait sa médecine, elle faisait sa médecine. quand elle faisait sa médecine. C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. Pourquoi Madame Courtois est-elle la marraine de Mireille ? Parce que c'était la meilleure amie de sa mère quand elle faisait sa médecine. Mon grand-père était chirurgien. Chirurgien. Chirurgien. Mon grand-père était chirurgien. Qui est-ce qui était chirurgien dans la famille de Mireille ? Son grand-père. Moi, je fais des études d'histoire de l'art. Je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté. Et je fais du karaté. Ça peut toujours servir. Ça peut servir. Ça peut servir. Ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Pourquoi Mireille fait-elle du karaté ? Parce que ça peut toujours servir. On ne sait jamais.